sais. Toi tu m'appelles, mais moi je veux noyer mes peines. Je suis là pour chercher ma paix. Conduis quand je suis dans la Benz, je m'en tape. J'ai tout mon temps, les contacts, j'en ai plein mon tel. Tu me tacles, mais j'ai pu sauter. Je fais le comeback, j'ai le J-Hotel. Et puis j'envoie comme si c'était Las Vegas. J'suis au casin, j'vois même plus le temps qui passe. Calibré sur la canonneuse. Ma Rolex est rouge et bleu. Les yeux rivés vers les cieux. J'en fais un, j'fais un vœu. Comme le R6, que ça consomme. La bataille du riff, celle qui t'assomme. Sans Kamada, le cardio à Camara. T'es mort dans le film, éteins la caméra. À devin, moi j'me taille. Loin d'ici, mon poteau. Les hamas, les radars. Un sourire, la photo. Y'a plein de blèmes ici, maman, si t'as faut qu'on s'en aille. Trop de jaloux, de fils de. Faut qu'on s'en aille. Et que on croise les six, faut qu'on s'en aille. Faut qu'on s'en aille. La pression, le moulin, les frangins, le boulot, la boisson, au boulot, ça détaille des rouleaux, ça voula, la moula, les ballons, ravitaille, les ballots, les feuilles, c'est régalons. Pour sortir de la galère, ça sort, cache la cala. La France est en colère, le peuple est encore là. La santé, la famille, tout va bien, hamdoulah. Né dans la douleur pour faire un tas de dollars. Les gyros éploués, la cité toute la night. Les contrôles aux faciès, nous contre, c'est la life. Y'a plus le choix, c'est trop chaud, y'a trop de sang sous ma Nike. À midnight, faut qu'on s'en aille. Hier je sais plus, j'suis rentré, j'étais ivre. Un litre au début, et plus tard j'ai robé. Le cœur qui résonne, des absences qui me tuent. J'oublie l'achat des putes, je garde ses quelles devis. Un petit KLS, pourquoi tes yeux sont si vides? Je dis que c'est le miroir d'un cœur qui est pas très beau. Les yeux plissés, je mange la voix rapide. Slalom entre eux, comme si c'était des plots. Ici c'est miné, faut qu'on se taille rapidement. Le frère est bloqué, au bon moment arrivant. Faut se tailler maintenant, on sera mort dans 10 ans. Faut se tailler maintenant, on sera mort dans 10 ans. La vie est carnaval, un jour ou l'autre, tous les masques tombent. J'ai peur pour mes membres, tous les jours j'en tremble. J'ai fait le vide dans ma vie, trop de gens m'encombrent. J'ai fait ci, j'ai fait ça, dis-moi pourquoi tu bombes. Ouais, pourquoi tu bombes, ouais, pourquoi tu bombes, ouais, pourquoi tu bombes. On veut le million, force, on en devient malade. Tu sais de quoi je parle, tu sais d'où vient notre mal. Je tourne en rond dans ce bocal, je fais les sympa. Toi tu fais le sympa, mais t'es plutôt sympa avant tout partant. Il faut juste qu'on se taille, ouais je prends tout et je pars comme d'hab. Y'a plein de blèmes ici, mamacita, faut qu'on s'en aille. Trop de jaloux, de fils de, faut qu'on s'en aille. Et que on croise les six, faut qu'on s'en aille. Du rêve et ça c'est jamais fini. On nous parle d'usine avec des riches armés. Hélicote nos filles avec des piqûres dans les bras. Et nous on laisse nos futurs dans les draps. On touche pas le ganou, chez nous ça porte trop la poisse. On vit Marseille la nuit, on prend le jet pour Dubaï. On est bleu dans le Q2, pimpon pimpon y'a les bleus. On est bleu dans le Q2. J'ai bien raconté mon histoire, j'ai Paris Marseille dans la tête. Moi je vis entre les deux, ouais, je suis un bug dans le game. C'est moi le jeune qui bossait tout seul, je fais pas la fête. Je suis lancé, il me faut des années pour qu'on m'arrête. Pendant qu'on fait des sous, ils ont perdu célibat. Dégage ton scénario, je suis pas venu faire du cinéma. C'est pour ça qu'il faut que je me taille. Là chez moi il fait tout noir comme le N, tu connais les bails. Faut 10 millions dans le compte épargne. Je viens de là où c'est danger, ils vont arriver manger. Trop plein manigancé, la bande est organisée. Je viens de là où c'est danger, les petits veulent que manger. Trop plein manigancé, moi je vis pas dans les pensées. Plein de blèmes ici, mamacita, faut qu'on s'en aille. Trop de jaloux, de fils de, faut qu'on s'en aille. Et que on croise les six, faut qu'on s'en aille. En direct du CV côté marginal. Ils nous détestent et on réagit mal. Ici liberté a pris la peine maximale. Siècle marqué par la bête et le pass vaccinal. Faut qu'on s'en aille, détruit à chaque génération. Pas de sauvetage, ici est peu d'élévation sauvage. Parmi les sauvages, oui, oui, car ici l'élevage chante la ségrégation. J'ai donné, j'ai donné, j'ai donné mon cœur. Mais ce pays ne m'a rendu que des coups. La rabia del pueblo dans le moteur. Aujourd'hui la moitié du peuple me dégoûte. Fuck les moutons, fuck les bergers, à jamais du côté des loups. L'artiste la plus connue des RG. La plupart ont dormi quand on criait réveillez-vous. Souffrance 9-3, motherfuck. Y'a pas de c'était mieux avant, y'a pas de belle époque. J'marche de travers, tu me croyais par terre. Nique ta mère, bientôt tu me vois à travers le télescope. Ouvre la porte, on connaît les codes. Faut des barres pour les nôtres, pour les autres, des coups de barre dans les côtes. Charge le matos, on se barre de la zone. J'ai besoin d'un autre bar, sans code barre. Faut pas sniffer la pure ni la synthé. J'te jure, ça te nique la santé. Comme la 5G. J'me suis réveillé, c'est pour tout baiser. J'fume la couche dans le 205 GT. Y'a plein de blèmes ici, mamacita, faut qu'on s'en aille. Trop de jaloux, de fils de, faut qu'on s'en aille. Et que on croise les six, faut qu'on s'en aille.